Chaussette Noire, Ike et Tina Turner, Elvis Presley, Zast, All Right Mama, entameront cette première heure. Salut les 60, bienvenue sur Radio Gémozo. Montesquieu disait « La plupart des choses qui nous font plaisir sont déraisonnables ». Dans ce cas, alors n'hésitons pas, soyons complètement déraisonnables. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do. Mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy you foolin' with, she ain't no good for you. But that's all right. That's all right, now, Mama, any way you do. Bothered with me hanging round your door, but that's all right. That's all right. That's all right, now, Mama. Anyway, do. Ah, da da dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee dee. I need your loving. That's all right. That's all right, now, Mama. Yes, Tina. You're starting to get next to me. Honey, that was my plan from the very beginning. Darling. Uh-huh. I never thought that this could be. What do you mean? Oh, yeah. Your lips set my soul on fire. You fulfill my one desire. Oh, darling. Yes, yes. It's gonna work out fine. It's gonna work out fine. I wanna tell you something, Ike. Uh-huh. I've been to see the preacher man. A preacher man? You must be losing your mind. I started. Started what? Started making wedding plans. Oh, really? Oh, yeah. If your love is heaven too. The love I offer you, oh darling. Yes, yes. I think it's gonna work out fine. It's gonna work out fine. I keep on telling you, I think it's gonna work out fine. I can feel it, don't I? Feel it's gonna work out. I keep on telling you, I know it's gonna work out fine. Now, I'm so glad that you're mine. What? They used to call you Dapper Dan. Yes, those were the good old days. The thriller. The killer, honey. The ever-ready loving man. That's me. Oh, yeah. A whole lot of girls used to be your speed. But now, pretty daddy, I'm all you need. Oh, darling. Yes, yes. I know it's gonna work out. It's gonna work out fine. I keep on telling you, I think it's gonna work out fine. I can feel it, feel it, feel it's gonna work out. I think I'm telling you, I know it's gonna work out fine. I know it's gonna work out fine.

1957. Madame. Les Parisiens découvrent avec effroi la zone bleue et le disque de stationnement. La bataille d'Alger se termine. Brigitte Bardot et la Parisienne. Et le Rex inaugure les premiers escaliers mécaniques de cinéma. Les Françaises s'en tichent de dessous à friolant. Encouragé par Gloria Lasso. Les Américains découvrent l'aspirateur géant. Et l'inventeur du mot rock'n'roll, Alan Freed, sort son premier film. Puisque c'est le qui Édouard Herriot quitte à jamais la vie politique. Les premières images tournées en apesanteur voient le jour. Henri Fonda fait vibrer dans 12 hommes en colère. Et le lait instantané fait des adeptes. Ingmar Bergman sort les fraises sauvages. Et deux mondes se rencontrent, Dali et Walt Disney. And get it right away, because my baby, she gave me the word today. She's tired of sitting home each night. She says she has her fill, and if I don't take her to the dance next week, Johnny will. I checked and found they're selling tickets at $5 each. And all that kind of money ain't within my reach. But if I want to be the guy who is her only thrill, I'd better take her to the dance next week, or Johnny will. Oh, that Johnny, that no good Johnny, he's been trying to steal my loving baby away. Sends her candy, sends her flowers, and I never saw her smile the way she smiled at him today. I tried to borrow it from my friends, but they said no. Still somehow, someway, I just gotta get that dough. My future happiness depends on one $10 bill. 'Cause if I don't take her to the dance next week, Johnny will, Johnny will. Oh, that Johnny, that no good Johnny, he's been trying to steal my loving baby away. Sends her candy, sends her flowers, and I never saw her smile the way she smiled at him today. I tried to borrow it from my friends, but they said no. Still somehow, someway, I just gotta get that dough. My future happiness depends on one $10 bill. 'Cause if I don't take her to the dance next week, Johnny will, Johnny will. Oh, that Johnny, Johnny will. Bad Boone, Johnny Will. En 1962, ils arrivaient juste derrière les Pirates, les Chats Sauvages et les Chaussettes Noires, groupe mythique des années 60. Les Vautours, Tu peins ton visage, une version nettement moins bonne que celle des Chats Sauvages, mais qui n'en a pas moins comblé les fans du groupe. Chérie, oh chérie, comme tu as changé. Avec du noir, du rouge, du bleu, sur tes joues, tes lèvres, tes yeux, tu as l'air d'une cannibale, et non pas d'une fille que j'emmène au bal. Tu peins, ton visage, tu peins, ton image, tu confonds l'Afrique et Nanterre, la route de nos gens et le sentier de la guerre. Pour te prendre un baiser au vol, je mets du rouge plein mon col. Et au lieu de celle que j'aime, je n'embrasse qu'un masque de poupée de crème. Du pain, ton visage, du pain. Quel dommage, c'est d'autant plus impardonnable que tu as 17 ans et la beauté du diable. Yeah! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. En fait, quelques plumes sur la tête, tu pourrais même y ajouter un paille autour des reins, un anneau dans les. Du pain, ton visage, du pain, ton image, tu confonds l'Afrique et l'enfer, la route de nos gens et le sentier de la guerre. Du pain, ton visage, du pain, quel dommage, hâte-toi de redevenir la fille de la guerre dans ses souvenirs. Oui, du pain, wow, wow, du pain, oh, oh, oh, du pain, yeah, yeah, du pain, wow, wow, du pain. Au sommaire de Salut les 60, nos trois matchs, c'est-à-dire la version originale contre la version contre l'adaptation. Le hit parade de mai 1967 avec quelques titres classés dans le hit parade à l'aide de disques. Et notre rubrique Le coin du spécialiste sera consacrée aujourd'hui à Nino Ferrer. De suite, Johnny Hallyday, Mon septième ciel, un titre évocateur et révélateur de l'état d'esprit de Johnny qui n'a en cette année 1961 que 18 ans. septième ciel, chérie. Oui, oh oui, c'est toi. Tu sèmes du paradis sur ma vie, sur mes pas. Et je n'aime que toi. Septième ciel. Mon septième ciel. Mon septième ciel, c'est tes yeux dans lesquels je vois le monde en bleu. Mon septième ciel, je te le dois depuis bien longtemps déjà. Mon septième ciel, chérie, c'est toi, oui, rien que toi, mon ami. Ma prière, c'est de te garder jusqu'à l'éternité, pour aller seul à tes côtés sur des chemins de clarté. Oh, promets-moi d'être toujours ton refuge d'amour, car sans toi ma vie est une longue nuit. Mon septième ciel, chérie, oui, oh oui, c'est toi. Tu es le conte de fées dont chaque homme a rêvé. Oh, reste avec moi. Chérie, oui, reste mon septième ciel. Vous pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88 200 Saint-Étienne, les Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Ils disent qu'on est beaucoup trop jeune, que plus tard peut-être on comprendra. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, ce que je sais c'est que moi je t'aime trop. Claude de François, je t'aime trop toi, opposé pour notre premier match à la version originale de Sonny Hancher, I Got You Bae. Adaptation ou version originale sur Radio Gemozo, faites votre choix. They say we're young and we don't know, won't find out till we grow. Well, I don't know, while that's true, 'cause you got me, baby, I got you. Hey, I got you, babe, I got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so, we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe, I got you, babe. I got flowers in the spring, I got you to wear my ring. Put your little hand in mine, there ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe, I got you, babe. I got you to hold my hand, walk with me. Claude François ou Sonny Hancher, vous avez fait votre choix, c'est parfait. Le 7 janvier de l'année 1963, ce n'est pas précisément des étrennes que le conseil municipal de la ville de Saint-Dié a octroyé aux Déodaciens. L'eau du réseau de distribution sera désormais vendue 0,27 le mètre cube au lieu de 0,23 francs. Tandis que sur les ondes périphériques, eh bien, Louis Louaille, le seul et unique type tube des Kicksmen en France, fait fureur. Nice day.

Johnny Hallyday, je suis seul, reprise du What Is Soul de Benny King. En ce mois de mai 1967, l'Olympique Lyonnais, en battant le football club de Sochaux par 3-1, remporte la finale de la Coupe de France et s'adjuge le trophée. Donc, et Franck Alamo, lui, s'adjuge la 39e place avec J'ai pleuré pour toi. Parti loin de moi, my baby. Depuis, je ne suis plus le même. Je vois passer les heures, my baby. Mais quand vient la nuit, comment trouver l'oubli? J'ai pleuré pour toi. Fait ses premiers pas à bord des Boeing d'Air France. Jean Marais et Louis de Funès sont repartis de plus belle dans Fantomas contre Scotland Yard. Les Rolling Stones donnent un concert à Varsovie. Et David Niven joue dans Casino Royal. À Montréal, lors de l'exposition universelle, Buckminster Fuller dévoile son dôme géodésique. Léontine, c'est la cuisine. Elf intrigue avec ses ronds rouges. Il s'occupe du téléphone. La carte bleue se glisse dans les portefeuilles. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne. Arabal provoque. Et le Kaway protège. En toute saison, pour la pluie, Kaway. Toujours plus fort, le café, Nescafé est lyophilisé. JJSS, Jean-Jacques Servan-Schreiber lance le numéro 1 de l'expansion. Et au cœur de Paris, la gare Montparnasse, qui n'est plus qu'une carcasse, se refait une beauté. On dit que le petit qui lit la nuit où il naquit dans son berceau bondit et pousse à un grand cri. Moi veux faire comme papy, moi veux sortir du lit. Toutoune gentille, gentille, voudrait petite paire de ski. Le père qui lit ravi d'un petit tonneau lui fit une paire de planches et dit

suis qu'un homme, moi aussi. Et pourtant un matin, alors qu'il n'y croit plus, un visage soudain illumine la rue. Et tout ceci, c'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire d'un homme. Et je ne suis qu'un homme qui cherche sa vie. Il comprend le pourquoi, il comprend le comment, et que sa vie alors en vaut la peine vraiment. Et tout ceci, c'est l'histoire de l'homme, c'est l'histoire d'un homme. Et je ne suis qu'un homme. Le prix de l'Académie Charles Gros a été remis à Jacques Dutronc pour Les Playboys, événement qui a été fêté comme il se doit chez Régine. Normal, quand on sait que les hits de son dernier 45 tours s'intitulent J'aime les filles et L'Idole, titre qui rentre en ce mois de mai 1967 à la 5e place du hit parade. Toute la journée derrière moi et toute la nuit sur le dos, dans la chaleur ou dans le froid, ils me poussent sur les tréteaux. Leur gala, leur récital, j'en ai vraiment plein le dos. Et à tous ces bourreaux, je souhaite le supplice du pan. Et puis mon impresario, il s'enrichit sur mon dos. Non coco, faut le faire, c'est pour minuterie. Les filles qui jettent sur moi, celles qui escaladent le toit, celles qui disent et moi, oh comme je m'en mords le chinois. Mais le pire, c'est que mon parolier, non seulement il est fou allié, mais il voudrait me faire chanter que des histoires d'obsédés. Je ne dors plus, je ne mange plus, j'ai maigri, je suis aigri. Je suis malade, je fais plus pipi ni caca, je suis pas vieux, mais j'en peux plus. Je me tape la tête contre les murs. Je n'en peux plus, je vais pleurer. Je suis foutu, ils vont me tuer. Au secours, au secours, au secours, au secours. Rock and Twist, la musique des 60s sur Radio Gémozo. Thank you. My heart say go, go, have a time, cause it's Saturday night. Baby, I'm feeling fine, I'm gonna rock it up. Woo, gonna rip it up. Gonna shake it up. Gonna ball it up. We're gonna rock it up. And the ball tonight. Got me a date and I won't be late. Pick me up in its 88. Shag on down to the Union Hall. When the joint starts jumping, I'll have a ball. I'm gonna rock it up. Gonna rip it up. Gonna shake it up. Gonna ball it up. We're gonna rock it up. And the ball tonight. I don't care if I spend my dough, cause tonight I'm gonna be one happy soul. I'm gonna rock it up. Woo, gonna rip it up. Gonna shake it up. Gonna ball it up. Gonna rock it up. And the ball tonight. Well, it's Saturday night and I just got paid. Fool about my money, don't try to see. My heart say go, go, have a time, cause it's Saturday night. I'm feeling fine, I'm gonna rock it up. Up pour le son rock'n'roll, c'était Wanda Jackson. À venir sur Radio Gemozo, les gammes c'est Roy Orbison, Dream Baby, morceau que Sylvie Vartan, Richard Anthony et Lucky Blondeau inscriront à leur répertoire sous le titre Cri de ma vie. Dream baby, got me dreaming. venez de nous rejoindre, bienvenue sur Radio Gémozo, bienvenue dans Salut les 60, bienvenue également sur le 107 FM où vous nous écoutez à Remiremont, et également vous pouvez nous retrouver sur radioguémozo.eu, le tout en minuscule et sans accent, c'est notre adresse internet. À venir sur Radio Gémozo, les Gams, tiens-le, et juste après nous aurons notre deuxième match. Maintenant qu'ils partagent l'amour qui fait rage, qu'ils vivent, enchaînons notre vie. Maintenant qu'ils murmurent nos mots de que l'aventure met au tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, maintenant qu'il t'adore, que son cœur t'implore, que tout te paraît plus joli. Ne dis rien, rien à personne de l'amour, l'amour qu'il te donne. Mais oh, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, toujours. Tiens-le, puisqu'il t'aime, tiens-le, puisque tu l'aimes, et l'amour te sourit. Tiens-le pour toi-même, car ils sont les mêmes, et qu'il reste encore à toi. Pour que chaque seconde vous offre le monde, et change et vos jours et vos nuits. Pour que votre existence ne soit plus qu'une chance, mais oh, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le. Tiens-le tout, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le toujours. Oh, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le tout, tiens-le, tiens-le si tu l'aimes, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le toujours. Oh, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le tout, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le, tiens-le toujours. Gérard, c'est roquement bon. Well, never mind about your big blue eyes. Never mind about your little white lies. Never mind about the way you cheat at me. I'm gonna always love you, you will see that I'll never mind about your careless. Never ever worry about all the rest. Never ever worry if you act up to. Cause baby, baby, baby, I'm in love with you. Can you remember when you broke the bed and nearly broke my heart? And you remember how it feels to hear a bit of time remark? Well, oh, never, never, never, never, ever mind it. Carry on a line and you act unkind. If it's any consolation, baby, you will find it won't be me who's saying, never mind. Never mind about your little white lies. Never mind about the way you cheat at me. Because I'm gonna always love you, you will see. But I'll never mind about your careless. Never ever worry about all the rest. Never ever worry if you act untrue. Because baby, baby, baby, I'm in love with you. Can you remember when you broke the dam and nearly broke my heart? Can you remember how it feels to hear a bit of time remark? Well, never, never, never, never, ever mind it. Carry on a line and you act unkind. If there's any consolation, baby, you will find won't be me who's saying, never mind. Cliff Richard, Nevermind, c'est la version originale. Les Chats Sauvages en feront une adaptation très réussie sous le titre Jamais tu ne feras rien. Adaptation ou version originale sur Radio Gémozo, c'est à vous de choisir. Jamais, jamais, jamais tu ne ne fera rien, me disait mon prof quand j'étais gamin. Mais moi sans me soucier de son blablabla, je rêvais près du radiateur et voilà. J'étais loin dans un ciel merveilleux, je cueillais à pleine main des fleurs bleues. Je n'ai pas changé depuis ce beau printemps, je rêve toujours mais c'était plus comme avant. Maintenant quand je rêve c'est mon cœur qui fait des bonds de joie, car c'est toi le bouquet de fleurs que je cueille à plein bras. Oui, jamais, jamais assez je ne rêverai. Et pourtant tu es tout le temps dans mes pensées. Mais près de toi je voudrais rester au long des heures. C'est aussi bien que de jouer les professeurs. Ouais. Jamais, jamais, jamais tu ne feras rien, me disait mon prof quand j'étais gamin. Mais moi sans me soucier de son blablabla, je rêvais près du radiateur et voilà. Jamais, jamais, jamais je ne serai millionnaire, mais ça m'est égal, j'en ai rien à faire. Je préfère te voir heureuse près de moi que d'avoir la lune et du vent dans mes bras. Ta beauté m'est plus chère que le plus beau des diamants d'ici bas. Cependant pour ton amour je ferai n'importe quoi. Oui, jamais, jamais je n'irai te refuser la plus folle des choses que tu pourrais désirer. Et je ferai oui en souriant de bon cœur si tu me demandais un professeur. Ouf, eh bien, ça réveille les chats sauvages ou Cliff Richard, vous avez fait votre choix, c'est parfait. Les Paul and Mary Ford de Raya Candios, c'est à venir sur Radio Gamozo. Town is sleeping. Now the time has come to part, the time for weeping. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Now the village mission bells are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them singing. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my love. Wherever you may be, I'll be beside you. Although your many million dreams away, each night I'll say a prayer to guide you, to hasten every lonely hour of every lonely day. Now the dawn is breaking through a great tomorrow, but the memories we share are there to borrow. Vaya con Dios, my darling. Vaya con Dios, my Salut les 60, le plein de nostalgie sur Radio Gamozo. Telling me just what a fool I've been. I wish that it would left that day. Along with her she took my heart. Rain, please tell me now, does that seem fair? For her to steal my heart away when she don't care. I can't love another when my heart's somewhere far away. The only girl I care about is gone away. Looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Cascade, Ride of the Rhine. Le 14 juillet 1965, l'Italien Felice Gimondi remporte le Tour de France cycliste et Sylvie Vartan sur son nouveau 45 tours sur lequel figure Quand tu es là. Texte corrosif, des paroles farfelues, notre rubrique Le coin du spécialiste sera consacrée aujourd'hui à Nino Ferrer. Ça sera juste après Brenda Lee, Crime Time. En tout cas, excellent après-midi et merci de nous accompagner. Crying time again, you're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Now they say that absence makes the heart grow fonder. and that tears are only rain to make love grow. Oh, my love for you could never grow no stronger if I lived to be 100 years old. Now it's crying time again, 'cause you're leaving. I can see that faraway look in your eyes. Yes, I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Better. That's the way it's happened every time before. And as sure as the sun comes up tomorrow, crying time will start when you walk out that door. Oh, it's crying time again. No, it won't be long before it's crying time. Sur Radio Gémozo, les chansons que vous aimez sont forcément au rendez-vous. Nino Ferrer est un Italien né à Gênes le 15 août 1934. De son vrai nom Ferrari, Nino n'a jamais été tenté par une carrière à La Fangio. C'est le jazz New Orleans qui l'amène à la guitare. Un instrument de vagabond pour Nino Ferrer qui la gratte au début des années 60, aux terrasses des rues d'Antibes et de Jean-les-Pins. Il débute en 1961 dans l'orchestre de Nancy Holloway. Chanteur solo à partir de 1964, il reprend sur scène des classiques de son dieu Ray Charles et enregistre pour Oublier qu'on s'est aimé, titre repris plus tard par Nicoletta, mais qui passe alors inaperçu. Après avoir mangé son pain noir, Nino Ferrer tente sa chance avec des textes corrosifs qui mêlent des paroles farfelues et son amour absurde à un rythme rock jazz. Nino Ferrer devient un amuseur public avec Zavé Pavé Mirza, Les Gornichons, Oh et un bon, Alexandre ou Le Téléphone. Dépassé par l'énorme succès de ses chansons gag, lassé des jeux de mots de... C'est des jeux de mots de Nino Ferrer qui, contrairement à ses contemporains et son propre directeur artistique, pour lui les meilleurs moments sont ceux en gala, à la fin de son tour de chant, sentant vraiment le public avec lui. Il peut improviser du jazz, prolongeant ainsi ses concerts d'une heure bien agréable. Nino Ferrer devra attendre quelques années avant de prouver, avec quelques albums plus personnels, qu'il avait beaucoup d'aigreur et de tendresse au cœur. Réfugié dans sa campagne où il peint à longueur de journée, sa dernière passion, il supporte difficilement la mort de sa mère.

Le poulet, la biscotte, les voitures et puis les cornichons. Vivez au rythme des années Blue Jim. Salut les 60, c'est avec Gérard sur Radio Guémozo. Que j'ai fait de mes clés, mes lunettes et mes papiers, mon veston, mon lorgnon, mon étui d'accordéon. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, hé, hein, bon. Où est-ce que j'ai mis mes outils, ma pipe et mon parapluie, ma belle-sœur, mon tambour et ma tante de Saint-Flour. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, hé, hein, bon. Où est mon bâton, mon bouton, mon tonton, mon saucisson, mon cousin Célestin qui était académicien. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Mes pastilles, mon sirop, ma camomille, ma potion, mon cachet, mes piqûres et mon bonnet. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et hein, bon, qu'est-ce que j'ai fait des paroles de cette satanée chanson? Je les ai oubliées, elles doivent être à la maison. Oui, je sais, je perds tout, mais ce que je veux pas, c'est qu'on se moque de moi. Oh, et hein, bon, oh, la la la la la la la. Monsieur James Brown, s'il vous plaît, dites-moi comment vous faites. Monsieur Charles, Monsieur King, Monsieur Brown. Moi je fais de mon mieux pour chanter comme vous, mais je ne peux pas grand-chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur de ma peau qui ne va pas. Dis-moi, monsieur Phobus, hey, hey, hey, dis-moi comment les blancs font pour vendre les nègres à l'Argus et pour en brûler de temps en temps. Et moi je fais de mon mieux pour ne pas y penser. Je me sens très souvent très très embarrassé par la couleur de ma peau qui me démoralise un petit peu. Les élus, hey, hey, hey, vous les simples d'esprit, vous qui chantez tout de blanc vêtu dans les verts pâturages près de lui. Dites-moi s'il vaut mieux pour entrer dans ce royaume avoir plutôt la peau noire ou plutôt la peau jaune. Et si le blanc n'est pas une couleur déconseillée parmi vous.

Soudain, tout d'un coup d'un pied sur l'autre pied. Yeah, yeah, yeah, yeah, danse à le turkey trot. Chouchou, dame, dame, dine, dine. Chouchou, dame, dame, dine, dine. Son mari qui voulait en faire autant se mit pendant dîner aussi comme un vrai démon. Allez, voyons danser comme ça, c'était charmant. Et toutes les demoiselles autour de battaient des ailes. Alors les invités se mirent à dandiner. Chouchou, dame, dame, dine, dine. Allons essayer d'eau. Chouchou, dame, dame, dine, dine. Sur le pas du dindo. Chouchou, dame, dame, dine, dine. Bien plus facile encore que le foxtrot. Sur ma scène, nous vous pas vous mettre à la note. Yeah, yeah, yeah, yeah, dansez le turkey trot. Chouchou, dame, dame, dine, dine. Chouchou, dame, dame, dine, dine. Can twilly, come, come, twilly. Rita Pavone, le Turkey Trot, tout comme le Locomotion, Liteleva ne réussira pas à en faire un tube international de cette nouvelle danse. Pour se rapprocher de 17h, eh bien nous aurons Eddie Mitchell et Roy Orbison, Léa. Here I go. 509 a déferlé et la terre s'est enflammée. Je reçois ces lettres de noblesse à sa majesté Altesse Elvis Presley, premier du nom. Hélas, il change de ton. Il a mis de l'eau dans son roc, mais je salue son époque. Le roc est notre vice, c'est la faute à Elvis. Nous l'avons dans la peau, c'est la faute à Ringo. Je viens rendre hommage au grand Jerry Lee, Chuck Berry, Gene Vincent, Ollie Cochrane et tant d'autres qui du rock furent les apôtres. La légende s'est créée dans laquelle ils sont entrés. Arrivèrent quatre génies qui devinrent nos amis. Ils ont sauvé la vieille Angleterre. La livre sterling peut en être fière. Les Beatles ont tout changé. La voie du rock est tracée. Le rock est notre vice, c'est la faute à Elvis. Nous lui l'avons dans la peau, c'est la faute à Ringo. C'est un manège fantastique. Voici de la grande Amérique. James Brown écrit, il se déchaîne. Otis Redding en fait de même. Ça fait 15 ans que cela dure. Le rock'n'roll a la vie dure. Le rock est notre vice, c'est la faute à Elvis. Nous y avons dans la peau, c'est la faute à Ringo. Allez, en 3 minutes, Eddie Mitchell vous a conté l'épopée du rock'n'roll. Quant à moi, il me faudra moins d'une minute pour vous remercier de nous avoir accompagnés cet après-midi. Nos rendez-vous dimanche matin à partir de 10h pour la rediffusion et dès lundi 15h pour une nouvelle émission. Vous pouvez également nous retrouver dans Salut les 60 sur radiogemozo.eu, le tout en minuscule et sans accent, notre adresse internet. Merci de nous avoir accompagnés. Excellente fin de journée, excellente semaine sur Radio Gemozo.